Et maintenant, je vais vous dire comment vous exprimer au passé. En français, pour dire « j'ai acheté quelque chose », vous employez « avoir », puis vous plongez dans le passé avec « acheter ». « J'ai acheté ». Et pour dire « je suis sorti », vous employez « être », puis vous plongez dans le passé avec « sorti ». Bonne nouvelle. En espagnol, on n'aura besoin que du verbe « avoir », jamais du verbe « être ». Et il n'y a pas non plus de problème d'accord comme il y en a en français, où on doit mettre un « e » final au féminin, par exemple dans « elle est sortie », « sortie e », ou un « s » final pour le pluriel, « ils sont sortis ». Car le participe passé espagnol ne change pas en fonction du sujet. Si le verbe est un « ar », le participe passé est un « ado ». Donc, « hablar » devient « habla ». « Hablado ».« Hablado ». Donc, en espagnol, pour le verbe « an ar », c'est « ado ». Et pour le verbe qui ne sont pas « an ar », « ido ». « Ado » pour le verbe « an ar » et « ido » pour les verbes qui ne sont pas « an ar », c'est-à-dire « an er » et « an ir ». Donc, le participe passé de « salir » est « salido ». « Salido ». Et le participe passé de « comer » sera « mido ».« Comido », d'accord. Et celui de « vender » ?« Venido ». « Venido », ça serait celui de « venir ». J'ai dit « vender ».« Vendido ». ».« Vendido », d'accord. « Comprar ». Comprado. Comprado, oui. Hablar. Hablado. Hablado. Et tomar. Tomado. Tomado, d'accord. Et vivre se dit vivir. V-I-V-I-R. Vivir. Donc, ce sera. Bibido. Bibido, exactement.